en point de suffisance. Fais présent le gratin, si pour rejoindre la lance, au centre du tout, mais pourtant retrait. Il se gosse avec goût, fait valoir ses attraits. Dans son verre, mêle au bord des lèvres, dégoulinant de miel, fait que ce soit des rêves. Il s'immisce plein d'allant dans les moindres lacunes, respire avec talent ce que pense la vertu. Fuck.